Viens rêver avec moi. Bonjour, je m'appelle Teddy Ruxpin. Veux-tu devenir mon ami? J'aime tellement parler avec des gens. J'aimerais aussi que tu rencontres mes autres amis. Nous allons bien nous amuser tous les deux. Maintenant, écoute bien ceci. Ce son te rappelle que tu dois ouvrir le livre à la première page. Chaque fois que tu l'entendras, tu tourneras la page. Ok? Voici une photo de Grubby. Grubby est depuis longtemps un de mes meilleurs amis. Dis bonjour à notre nouvel ami, Grubby. Oh, bonjour. Comment vas-tu, N'oublie pas, tourne la page. Hé, hey, Grubby, tu te rappelles cette chanson? Bien sûr. J'aimerais devenir ton ami. J'aimerais que toi tu le deviennes aussi. J'aimerais devenir ton ami. J'aimerais que l'on devienne de bons amis. L'amitié est un joli mot, regarde et tu verras. Les amis sont ceux que tu aimes et qui aiment être près de toi. J'aimerais devenir ton ami. J'aimerais que toi tu le deviennes aussi. Bien sûr, Grubby. J'aimerais devenir ton ami. J'aimerais que l'on devienne de bons amis. Tu vas aider tes amis quand ils ont du travail. Et les amis viendront aussi quand c'est toi qui as plein de travail. C'est pour ça que les amis existent. J'aimerais devenir ton ami. J'aimerais que toi tu le deviennes aussi. Sourire quand tu te sens un peu triste. Ils te rendront très heureux. Je suis content de t'avoir pour ami. Mon ami. Mon ami. Grubby et moi, nous avons toujours voulu partir à la recherche de choses merveilleuses. Puis, un jour, nous avons trouvé la vieille carte d'un trésor caché. Le trésor devait se trouver dans le pays lointain de Grundo. C'est ainsi que nous avons quitté Rilonia, notre pays natal, pour la grande aventure. Partons vers de lointains pays et cherchons des trésors. Grundo était très loin de Rilonia. Et après de nombreux jours de marche, nous n'avions pas l'impression d'avoir beaucoup avancé. Teddy, j'ai mal aux pieds. Je dois avoir marché sur chaque pierre depuis Rilonia. Tu ne m'avais pas dit que cette aventure serait aussi pénible pour mes pieds. Comme tu vois, Grubby a pas mal de problèmes avec ses pieds. Nous avons donc décidé de passer la nuit là. Le lendemain matin, les pieds de Grubby allaient mieux et nous avons continué notre route. C'est ce jour-là que nous avons rencontré Newton Gimmick. Oh, bonjour. Je m'appelle Newton Gimmick.